Bon, maintenant que nous avons vu les English equivalents en hunt et ans, des mots français en an, ant, et anse, ance, je vous propose de conclure cette série en abordant leurs frères jumeaux, et je veux parler des mots en ent et ence. Notez que la terminaison ent se prononce hunt en anglais, comme dans le mot equivalent que je viens d'utiliser. Alors, sachant que to wear, WEAR, signifie porter dans le sens de porter des vêtements, comment dira-t-on je porte chaque jour quelque chose de différent? En anglais, on dira littéralement je porte quelque chose de différent chaque jour, donc sans le de devant différent. Chaque jour se dit everyday. Alors, allez-y. I wear something different every day. I wear something different every day. En insistant bien sur la première syllabe, different. Et comme vous l'avez peut-être déjà appris avec Michel Thomas, pour dire qu'on vient de faire quelque chose, en anglais, on dit qu'on a juste fait quelque chose. On va donc avoir besoin de have just. Alors comment dira-t-on je viens de recevoir un message urgent? Alors commençons par ce fameux have just. Et continuons avec recevoir, qui se dit to receive. RECEIVE. Donc, je viens de recevoir, mot à mot, j'ai juste reçu. I have just received. Oui, c'est ça. I have just received. Un message urgent. Alors, comme vous le savez bien, on dira un urgent message. Et pour traduire un, on va employer an au lieu de e, puisqu'il est suivi d'un mot commençant par une voyelle. Alors, un urgent message. An urgent message. An urgent message. On emploie l'article un au lieu de e parce qu'il est suivi d'un son de voyelle. Urgent. Parce que urgent, ce n'est pas très joli à entendre. Donc, on dit an urgent. An urgent message. Urgent s'écrit exactement comme urgent. Mais notez bien la prononciation, urgent. UR se prononce généralement UR en anglais, urgent. Et vous n'avez pas eu de problème pour retrouver le mot message, là encore une copie conforme du français. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la phrase en entier? Je viens de recevoir un message urgent. I have just received an urgent message. I have just received an urgent message. Alors, je voudrais vous proposer encore quelques exemples avec des mots en ent. Sachant que le verbe to know, savoir, donne knew au passé, qui s'écrit K-N-E-W, et comme vous le savez déjà, le verbe être donne was, W-A-S, avec il, elle ou ça. Alors, comment direz-vous, je savais que la situation n'était pas permanente? I knew that the situation was not permanent. Dans la langue parlée, on peut même omettre le that et dire simplement I knew the situation was not permanent. Comme je vous l'ai déjà suggéré, n'hésitez pas à vous reporter aux méthodes débutant et perfectionnement si vous avez des doutes sur ce que l'on revoit ici. Michel Thomas insistait beaucoup là-dessus. Bien, alors le mot ici se dit here, H-E-R-E. Et notez bien là encore le H aspiré anglais. Alors comment direz-vous, dans la situation présente, il est important d'être ici? In the present situation, it is important to be here. In the present situation, it is important to be here. Est-ce que vous avez bien pensé à inverser l'ordre des mots par rapport au français? Littéralement, la présente situation et non la situation présente? Si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que c'est assimilé. Prenons encore un exemple. Comment dira-t-on « moment » en anglais? Moment. Moment. Et donc, comment direz-vous « à ce moment-là » et du fait que je parle de quelque chose d'éloigné dans le temps, on emploiera « that » plutôt que « this ». Donc, comment direz-vous « à ce moment-là, j'étais totalement dépendant » avec totalement qui se dit totally, qui s'écrit T-O, T-A-2-L-Y. Alors, à ce moment-là... At that moment. Oui, c'est ça. At that moment. J'étais totalement dépendant. Donc là, avec je, vous allez avoir besoin de la forme du passé was. I was totally dependent. I was totally dependent, c'est ça. Donc, en début de mot, on entend « di », qui s'écrit pourtant « de », « dependent », avec « ent » à la fin, et non « ant », comme en français. Donc, « at that moment, I was totally dependent ». Donc, totalement, se traduit « totally ». Nous verrons plus tard cette autre astuce qui permet de transformer des adverbes français en « ment », en adverbe anglais en « les ». Un dernier exemple. Si beaucoup de se dit a lot of, mot à mot, un lot de, a lot of, alors comment dira-t-on beaucoup d'adolescents ont des problèmes avec leurs parents? Je reprends. Beaucoup d'adolescents. A lot of adolescents. A lot of adolescents, oui, ont des problèmes. Et attention, ici on ne traduit pas des. Quant au mot problème, je vous laisse le deviner. Donc, a lot of adolescents ont des problèmes. A lot of adolescents have problems. A lot of adolescents have problems. Avec leurs parents, alors leur se dit their, T-H-E-I-R. With their parents. A lot of adolescents have problems with their parents. Vous voyez, souvent, il suffit de faire confiance à votre intuition et de compter sur les similitudes entre le français et l'anglais, et le tour est joué. Alors bien sûr, comme ça arrive souvent en anglais, là où le français n'a qu'un mot, adolescent, l'anglais en a deux. Adolescent, identique au français, et teenager, d'origine anglo-saxonne, est de fait plus courant dans la langue de tous les jours. Mais l'important, c'est que vous soyez capable de communiquer et d'être compris. Est-ce que vous pourriez me répéter les deux traductions de adolescent en anglais? Adolescent, teenager. Adolescent et teenager, c'est ça. Alors, pour vous aider à retenir la variante teenager, je vais vous expliquer comment ce mot a été formé. Comme c'est souvent le cas en anglais, c'est un collage. Teen, c'est le petit suffixe qu'on trouve à la fin des nombres de 13, 13, à 19, 19. Ce qui correspond à l'adolescence. Et ager vient de age, c'est-à-dire âge. Donc, teenager, c'est littéralement quelqu'un qui a l'âge des nombres en teen, bref, quelqu'un qui a entre 13 et 19 ans. Ce recours constant au collage est à la base de la richesse de l'anglais, et c'est une très bonne chose pour vous, car si vous reconnaissez les différentes pièces du collage, vous devinerez sans problème le sens de très nombreux mots que vous n'avez jamais vus ou entendus auparavant.